Quand tu te lèves le matin, avant d'aller au turbin, tu penses aux cocottes en papier que tu vas faire dans la journée. Quand tu te lèves le matin, avant d'aller au turbin, tu penses aux cocottes en papier. Tu rentres du turbin, t'es crevé, plus bon à rien. Tu penses aux cocottes en papier que tu as faites dans la journée. Le soir, tu rentres du turbin, t'es crevé, plus bon à rien. Tu penses aux cocottes en papier que tu as faites la journée. Abruti devant ta télé, tu laisses les images défiler. Tu penses aux cocottes en papier que demain tu vas fabriquer. Abruti devant ta télé, tu laisses les images défiler. Tu penses aux cocottes en papier.